Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette 117e émission de Rock de Neurones sur les ondes de CIFU FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de l'animation, de la mise en onde et du choix musical avec la collaboration de fidèles auditeurs qui ont été nombreux la semaine passée à donner leurs commentaires sur l'émission qui a été, somme toute, assez appréciée. Et je voudrais souligner ici les noms de Lucien Yves Bolduc, de Denis Guillaume, Denis Marchand, Robert Blanchette et Noël Douville qui ont manifesté et donné leurs commentaires sur la page Facebook de l'émission. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à faire de même en consultant sur Facebook Rock de Neurones et vous aurez aussi accès à toutes les émissions qui ont été archivées depuis à peu près un an et demi. Alors aujourd'hui, nous aurons à l'émission Tali Toké de Belgique, Polska Radio One de Russie, Temples d'Angleterre, Mind Games de Belgique, Ample Deed des États-Unis, Yunaka Prong des États-Unis, Taylor's Universe du Danemark, Richard Schwoblom de Suède. En petite parenthèse, Richard étant membre de la formation Birdfish, c'est son premier album solo dont on va entendre un extrait. Nous aurons aussi Piezo, une formation québécoise. Ça sera suivi de Barracuda Triangle de Suède. Nous aurons aussi, en fin d'émission, la phase B au complet de l'album qui occupe la 9e position du palmarès Rock de Neurones des 50 meilleurs albums de rock progressif de tous les temps. Et il s'agit de la formation italienne Il Rovescio della Medaglia, et dont on va entendre l'extrait de l'album Contaminazione, qui est paru en 1973. Et en toute fin d'émission, nous aurons une suggestion de Lucien Yves Bolduc de la région de Québec, qui nous propose une pièce de Genesis, de Lamia, et ça, c'est extrait de The Lamb Lies Down on Broadway. Mais pour l'occasion, à cause de la sonorité qui est pas mal meilleure avec la version que Steve Hackett a enregistrée sur Genesis Revisited 2, c'est ce que je propose. Alors, on débute avec Tali Toké, une formation de Belgique dont on connaît un seul album qui était paru en 2014. La formation, c'est Tali Toké. Et l'album, c'est un album éponyme. On aura aussi, tout de suite après, Polska Radio One de Russie, qui ont 4 petits albums single ou EP et une compilation qui est parue en 2014 qui s'intitule Cosmos Inside. Ça sera suivi de Temples, une formation britannique d'un style psychédélique des années 60 avec une sonorité moderne. Et on conclura le bloc avec la formation américaine Ample Deed. Ample Deed, qui a 2 albums à son actif, et ce qu'on entendra, c'est le plus récent, un extrait du plus récent album qui est paru il y a quelques semaines. L'album s'intitule Biobee. Alors, on débute par Tali Toké. Thank you.

Alors, venez d'entendre Mind Games, la formation belge, avec la pièce Travels, et c'est extrait de MMX, en chiffre romain qui veut dire 2010. Et ça a été précédé de Shelter Song, une pièce de la formation britannique Temples. C'est extrait de Sun Structures, qui est paru en 2014. Et auparavant, on a eu la formation russe Polska Radio One avec The Fractalized Sky, et c'est extrait de Cosmos Inside, paru en 2014, et on a débuté le bloc avec de Belgique, Tali Toki, et la pièce Le Chant du Toki. C'est aussi paru en 2014. Après la pause, Ample Deed, Yunaka Prong et Taylor's Universe. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. On débute donc le deuxième bloc de l'émission avec une nouveauté de Ample Deed, formation américaine qui vient de faire paraître l'album By OB. En fait, c'est quatre lettres, BYOB. Et cela est le deuxième album de la formation qui existe depuis 2013. Ça sera suivi d'une nouvelle formation des États-Unis, Yunaka Prong, avec une pièce qui est tiré de leur premier album Margot ou Margot, et on conclura le bloc avec la formation danoise Taylor's Universe avec une compilation qui est sortie à la fin de l'automne dont on va entendre une pièce. Alors on débute donc ça avec Ample Deed. We'll be right back. C'était Taylor's Universe du Danemark avec la pièce Fame et c'est extrait de l'album qui est paru cet automne, Across the Universe. Ça a été précédé d'une nouvelle formation américaine du nom de Yunaka Prong avec la pièce de Truffle Shuffle et c'est extrait de Margot qui vient tout juste de paraître et En début de bloc, nous avions aussi une formation américaine, Ample Deed, avec The Greatest Gatsby, ou Gatsby, tiré de l'album Bio-Bee, et c'est paru la semaine dernière. Après la pause, Richard Schlobloom de Birdfish et Piezo du Québec et Barracuda Triangle de Suède. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous sommes rendus au troisième bloc de l'émission et on débute avec Richard Schlobloom qui est le... En fait, qui est connu pour sa participation dans le groupe Birdfish. Il vient de faire paraître un album, son deuxième en carrière solo. L'album s'intitule « The Unbendable Sleep ». Et ça va être suivi par la formation québécoise Piezo. Et Piezo qui a deux albums, dont le premier paru en 2012, « Scène 1 Harlequin ». Et on va entendre un extrait. Et ça, on va conclure avec le troisième bloc, avec Barracuda Triangle, une formation, la formation Barracuda Triangle, c'est de Suède, avec un extrait de l'album Electroshock Therapy, qui est paru en 2014. Alors, on débute ça avec Richard Schlobloom. Gap between here and there. Thank you. Vous venez d'entendre Barracuda Triangle et la pièce Strum. C'est extrait de Electroshock Therapy, le seul album du groupe qui est paru en 2014. Ça a été précédé par la formation québécoise Piezo. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Chaos and the Mask Fades Away. C'est tiré de l'album Skin One Harlequin, paru en 2012. Et en début de bloc, nous avions le membre de la formation Birdfish, Richard Schloblum, avec la pièce Rhyme and Reason, et c'est tiré des Unbendable Sleep, qui vient tout juste de paraître, Richard étant suédois. Après la pause, Il Ovacio de la Mid... Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone, avec Jimmy Farley. Eh bien, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission, et on va y aller avec la phase B de l'album Contaminazione, qui est paru en 1973. Cet album-là occupe la 9e position du palmarès Rock de Neurone, palmarès qui est constitué des 50 meilleurs albums rock progressifs de tous les temps. Et Contaminazione, ben, c'est la formation Il Rovescio della Medaglia, une formation italienne, qui s'est dissoute après cet album-là, qui fut le 3e de la formation. On avait eu un album en 1971, La Biblia. Ça a été suivi de Io comme Io. Et en dernier, Contamination. Il y a eu un retour en 1995 sans grand succès. Et je sais qu'il y a un album live qui a été enregistré à Tokyo là, avec certains membres originaux de la formation, mais c'est de facture inégale. Alors voici donc Contamination. 1973 par Il Rovescio della Medaglia, phase B. Une petite mise au point, c'était pas la phase B, une petite seconde. Yeah. Thank you. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la phase B de l'album Contaminazione qui a été produit par la formation italienne Il Rovescio della Medaglia. Ça, c'est paru en 1973 et ça occupe la position 9 du palmarès Rock de Neurone. On va conclure l'émission avec une suggestion de M. Lucien-Yves Bolduc de la région de Québec qui nous propose de Lamia par Genesis, qui apparaît originellement sur l'album de Lamb Lies Down on Broadway, mais j'ai trouvé une meilleure sonorité avec Genesis Revisited 2 par Steve Hackett. Alors on va entendre ça, de Lamia. The scent grows richer, he knows he must be here. He finds a long passageway lit by chandelier. Each step he takes, the perfumes change from familiar fragrance to flavor strange. Magnificent chamber meets his eye. Inside a long rose water pool is shrouded by fine mist. Stepping in the moist silence, the warm breeze is gently kissed. Thinking he is quite alone, he enters the room as if it were his own. But ripples on the sweet pink water reveal some company. Astonished, doubting his sight, struck by beauty, gripped in fright. 3 million snakes are female face, the smallest motion filled with grace. Muted melodies fill. The room, the bitter harvest of a dying blue. C'était Steve Hackett avec la pièce de Lamia et c'est tiré de l'album Genesis Revisited 2 qui est paru en 2012. Ceci met donc fin à l'émission et je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones si vous voulez connaître le titre des pièces et des albums avec le nom des artistes qui vous ont été présentés aujourd'hui. Et vous pouvez aussi consulter à partir de cette même page Facebook, toutes les émissions qui ont été archivées en utilisant les hyperliens qui s'y trouvent. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous invite la semaine prochaine à une nouvelle émission de Rock de Neurones.